On m'a dit que l'autre côté, il y avait un danseur. Moi, je vais aller danser. Tant pis si on se fera tuer. Nous retrouvons. Et alors? Je m'en fiche. Je m'en fiche de tout. Ce que je fais, moi, c'est vivre. Histoire publique d'un jardin secret. Donc là, on va où, là, Patrice? Fabrice. Nous allons au jardin public. D'accord. Dit appelé également le jardin vert. Voilà. Et toi, tu y vas souvent? J'y allais très souvent. J'y vais moins maintenant. Et j'y vais de nuit. Parce que c'est un lieu de rencontre entre hommes. D'accord. Et c'est-à-dire pourquoi? C'est quoi tes motivations pour y aller? Mes motivations pour y aller, essentiellement, de rencontrer des hommes, de faire des rencontres sexuelles et plus si affinités, comme on dit, quoi. Historiquement, c'est le premier mode de rencontre entre hommes, c'est les lieux publics, c'est les parcs. Et historiquement, c'est quoi? C'est un siècle, 50 ans? Alors là, je n'en sais strictement rien parce que je n'ai jamais vu, lu, entendu aucune archive là-dessus. On est complètement dans une transmission orale, quoi. C'est-à-dire que c'est très très complexe, le fait de se définir soi-même comme homosexuel et de décider, parce que là, bon, disons-le, on est quand même en province, quasiment à la campagne, le fait de savoir, d'apprendre où est-ce que l'on peut rencontrer d'autres gens comme soi, et d'autres hommes, susceptibles d'être intéressés par une relation, c'est complètement... c'est quelque chose de très diffus, secret, complètement oral, jamais... c'est pas la famille qui l'apprend, c'est pas... C'est le hasard de rencontres qui font qu'à un moment donné, on sait que c'est là que ça se passe, quoi. Après, les gens, ils vont toujours dire, les plus anciens vont toujours dire, bah voilà, aussi loin que je puisse remonter, ça se passait comme ça. Je serais incapable de dire depuis quand ça date, l'utilisation de ce lieu comme potentiel lieu de rencontre. Dès que je t'ai vu au coin de la rue, t'avais l'air pas mal. Et je t'ai invité au bal pour danser le tango. Je t'ai dans la peau. Pendant longtemps, ça s'est passé là. Là où on est, il y a plusieurs zones. On est sur une. Dans ce qu'on appelle une ville à oppidum, donc une ville avec un plateau, un rempart et une pente qui descend vers une périphérie. Et donc le jardin vert s'enroule autour de l'extrémité du rocher de la ville. Et il y a une partie, on va dire, plus familiale et plus publique qu'on vient de quitter. Et là, cette partie qui est plus au nord, qui il n'y a pas si longtemps était très boisée et qui, pendant longtemps, était le lieu de rencontre plutôt de l'après-midi, parce que c'était beaucoup plus discret. Beaucoup plus, comme c'était boisé, on ne voyait pas, du haut du rempart, on ne voyait pas ce qui se passait en bas. Il y a des zones un peu de retrait, des espèces de grottes, des entrées, des choses comme ça, qui étaient plus discrètes. Il n'y avait pas d'éclairage public du tout, c'était même un peu abandonné. Et il y a quand même un système d'entrée et de sortie, parce qu'il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties dans ce lieu. Je pense qu'il faut que le lieu soit à la fois étendu et pas trop, pour que tous les gens puissent un peu embrasser l'ensemble du lieu d'un seul regard, sans avoir à se perdre vraiment. C'est de l'ordre du ressenti, mais en même temps, voilà, il faudrait un anthropologue ou un ethnologue ou un sociologue pour faire vraiment des études très précises sur comment se construit et se constitue un lieu de drague. Ça, j'en sais rien. Mais c'est clair que parc public, aire de repos, lieu chantier, par exemple, chantier qui serait encore ouvert, parce que maintenant, de plus en plus, tout se ferme. C'est-à-dire un chantier où on construit un immeuble au centre ou ailleurs. Bon, on va mettre des barrières, on va mettre des choses comme ça. Mais pendant un temps, on ne protégeait pas trop ce genre de choses. Port, zone portuaire, avec des containers, des choses comme ça, donc où il y a toujours des recoins, où il y a un système de circulation, de chemin un peu qui s'est constitué comme ça par les objets qu'on y a posés ou par les arbres et les bosquets. Et des zones un petit peu plus reculées, un petit peu des espèces de petits cul-de-sac où on peut s'isoler. Je pense que ça, c'est la morphologie d'un lieu de drague, c'est de cet ordre-là. Je pense que le lieu de drague extérieur, donc parc ou pas, est une espèce de fondamental de la rencontre homo, qui, à mon sens, caractérise très très fort l'homosexualité masculine, du coup, parce que c'est essence, c'est, ce n'est que masculin, lié peut-être au fait que l'espace public appartient aux hommes, selon ce que peuvent dire, peuvent analyser des sociologues, ou des anthropologues ou des éthologues féministes, ce qui est assez juste. Les rencontres dehors se font entre hommes, les rencontres entre femmes, je ne sais pas comment elles se passent, mais en tout cas, il n'y a pas de culture lesbienne du lieu public. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc. On ne vit pas, on n'aime pas, dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis qu'il y a une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait... Le silence. Souvent, il y a assez peu de paroles échangées. Alors soit on est un habitué du lieu, je dirais, ce qui est un peu mon cas, et on finit par repérer les autres habitués du lieu avec lesquels se passent ou pas des relations sociales, ce qu'on appelle l'homosocialité, pour le coup, des gens avec qui on discute, tout simplement. Donc on discute en attendant, ou on discute simplement ce que ça devient des gens proches et tout, et ça arrive. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis dans les lieux de rencontres comme ça. Soit, quand on vient dans un lieu comme ça, on a quand même une visée d'avoir un rapport sexuel, enfin du moins d'avoir une rencontre qui débouche sur une relation sexuelle, on repère quelqu'un, faut qu'il nous plaise, faut qu'on lui plaise. Ça se passe souvent sans mots, c'est-à-dire c'est des regards échangés, des volte-face, des retours sur nos pas, donc à partir de là, on repère que la personne, homme, en est, c'est-à-dire donc est là a priori comme nous pour chercher un autre mec, et généralement c'est vrai que la parole arrive après, c'est-à-dire que soit pendant l'acte, soit après l'acte, merci, sympa, tiens, comment tu t'appelles, tu viens souvent, t'es un habitué, t'es pas un habitué, t'es hétéro, t'es homo, parce que évidemment les mecs se parfois posent cette question, donc il y en a qui répondent qu'ils sont hétéros par exemple, c'est toujours assez drôle. Tout simplement pour dire parce qu'ils ont une copine et ils sont mariés et que de temps en temps, ils viennent s'encanailler dans ce genre de lieu. Et ça, c'est toujours pareil, parce qu'on va dire homosexuel, mais le nombre de mecs qui sont dans un parc, sur un site, n'importe où, qui ne se définissent pas comme homosexuels, mais qui ont quand même des rapports sexuels avec des hommes, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'ils soient dans un délire, une névrose par rapport à leur identité, c'est leur problème, mais ça existe. C'est-à-dire qu'il y a quand même une majorité de mecs. Moi, je le dis toujours sur le ton de la plaisanterie, mais c'est une réalité. Si j'avais attendu d'avoir des rapports sexuels avec des homosexuels, je serais encore puceau. C'est-à-dire que tous les mecs que je rencontre, notamment ici, ne se définissent pas, ou très peu, comme homosexuels. D'abord, ce n'est pas des sujets de conversation qu'on a, mais eux-mêmes, dans leurs propres questions, après l'acte, quand ils disent « et toi, t'es hétéro, ou t'es marié, ou ceci », prouvent déjà que eux-mêmes, pour eux, la question est légitime. C'est-à-dire qu'ils ne se définissent pas comme homosexuels, ou pas seulement comme homosexuels. Le mot bisexuel, pour eux, ne veut déjà strictement rien dire. Parce qu'il y a des moments où je leur dis « écoute, t'as une relation avec moi et t'as une femme, donc de fait t'es bisexuel. » Alors à 75%, à 20%, qu'importe, je m'en fous, c'est un problème, mais de fait t'es bisexuel. Mais ça c'est même pas concevable pour eux, ils sont hétéros. Ils sont hétéros, mais après ils ont une vie privée. C'est-à-dire que le nombre de fois où quand on me dit « oui, mais ça se voit pas, etc., d'être homo et tout », et que je dis « oui, mais ça se voit pas, bien sûr ». Par contre, ce qui se voit, c'est l'hétérosexualité. Et donc quand je montre dans la rue « regarde, monsieur et madame avec la poussette, ils sont hétéros ». Et là on me dit « oui, mais ça t'en sais rien ». Mais ce qu'il montre, c'est de l'hétérosexualité. C'est-à-dire que je m'en fous que le mec ait des pratiques dans sa vie privée. Je pourrais même le savoir. Je pourrais même avoir eu des rapports avec. Ça m'arrive très régulièrement de croiser des mecs avec leur poussette avec qui j'ai déjà baisé. Mais ce qu'il montre publiquement aux yeux des autres, c'est leur hétérosexualité. Et après, dans le noir, le soir, dans le parc, ou sur un site internet, parce que ça les fait pas assumer davantage, ils ont des rapports avec d'autres hommes. Les mecs se définissent pas, moi à ce moment-là je me définis pas. Il se trouve que moi-même, je le fais pas trop, mais il m'arrive de mentir par omission. C'est-à-dire je vois parfois certains mecs qui semblent, j'irais, avoir une vie extérieure plutôt très hétéro, et où je sens très très bien que leur désir de rencontrer un mec, c'est de rencontrer un mec comme eux. C'est-à-dire un mec qui ne se définit pas comme homosexuel. Parce que d'un seul coup, ils deviendraient homosexuels s'ils avaient un rapport sexuel avec un homme qui se définit lui-même comme homosexuel. C'est leur névrose à eux, hein. Je vais pas juger. Mais donc, il m'arrive à moi, quand j'ai vraiment envie de faire d'avoir un rapport avec un mec qui me plaît et que je sens qu'il aurait une réticence à apprendre que je suis homosexuel exclusif, ben, il m'arrive de baratiner, de dire moi quand il n'y a pas de femme, ben, je viens là aussi. À présent, je peux vous révéler mes intentions. Je ne veux pas vous prouver que je suis comme vous, pour pouvoir mendier le droit de respirer. Non, je veux montrer que c'est vous qui êtes comme moi. Vous êtes tenté par la dérive que vous nous imposez. Vous êtes aussi le monstre que vous m'accusez d'être. En fait, ce que tu disais, c'est que, enfin, tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y avait effectivement une hypocrisie par rapport à la société hétérosexuelle. C'est-à-dire qu'il y a plein de mecs qui se définissent comme hétéros qui viennent ici, mais qu'il y a aussi une hypocrisie de la part de certains gays bien intégrés qui, en fait, critiquent un peu ces lieux de drague publics, en fait, y compris dans les associations, oui. Dans les bars. Donc la question de l'hypocrisie de certains gays, ça me paraît une évidence. C'est-à-dire que... mais ça, elle est ancienne. C'est-à-dire que dès l'existence des lieux, en fait, la critique, elle est sociale et générale. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont gays qu'ils sont hypocrites. C'est parce que l'hypocrisie sociale, elle existe. Elle est hétérocentrée, elle est homophobe. Et après, qu'il y ait des gays qui intègrent cette vision péjorative des lieux de rencontre extérieurs, c'est une évidence. Donc, la vision péjorative d'un lieu de drague, c'est exhibitionnisme, vieux, maladie, pervers, malade mentaux, agression homophobe ou pas, agression tout court, noir, enfin, je veux dire, obscurité, sale, voilà. Cette espèce de, c'est les mots qui reviennent tout le temps. Moi, mon opinion, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on est gay soi-même, on peut être encore plus hypocrite parce qu'on aurait une sorte de besoin de se faire reconnaître encore plus et donc de paraître propre ou que sais-je, et donc cette image péjorative du lieu de drague, on aurait envie de s'en débarrasser encore plus qu'un hétéro qui finalement n'en a rien à foutre. Il y a souvent dans les familles un secret de famille, quelqu'un dont on ne parle pas, c'est interdit, qu'on ne fréquente pas ou qu'on a préféré oublier parce qu'il faisait tache, ombre au tableau. Par exemple, le plus souvent, comme on dit, un oncle qui aurait eu de mauvaises mœurs. Dans le cas de ma famille, cet oncle gênant, c'est moi. Ils m'ont en quelque sorte dit « casse-toi ». C'est une méthode radicale pour quelqu'un qui a du mal à quitter son milieu d'origine, à se séparer de la matrice. Merci la vie, merci papa, merci maman, merci à mes amis, merci à mes ennemis, et vice-versa. À tous ceux qui m'ont permis de réaliser l'exploit extraordinaire pour moi de quitter ma famille, ma chère famille que j'ai tant aimée, trop peut-être. Bah, de fait, dans un parc, effectivement, il y a, à mon sens, plus de mixité sociale, bah, et qu'on est soi-même d'un milieu middle class, salarié, plutôt père de famille, et qu'on va se retrouver à croiser plutôt un précaire chômeur, peut-être racaille, que sais-je. Donc c'est un milieu tout à fait différent. La discussion qui va avoir lieu entre ces deux personnes peut être un peu forcée, c'est-à-dire, il y a que deux ce soir-là. Donc même s'ils n'ont pas envie d'avoir un rapport sexuel, ils vont peut-être parler. Alors que sur un chat internet, il suffit de se déconnecter, puis point barre, quoi. Alors que là, ce soir-là, il y en a un qui a vraiment la flemme de rentrer chez lui, l'autre aussi. Finalement, la discussion se met en place. Donc forcément, il y a des expériences qui n'auraient pas eu lieu si on les avait choisies, décidées soi-même en ouvrant sa fenêtre ou en allant dans un bar. Parce que pareil, dans un bar, faut déjà assumer un peu de risquer d'être vu. Parce que le parc, oui, faut assumer de risquer d'être vu. Mais en même temps, voilà, comme je disais, bon, on est dans un parc. C'est-à-dire on n'est pas à la sortie d'un établissement. On peut, comme c'est un bois, on peut toujours décider de ne pas se foutre sous un réverbère. Donc d'être toujours plutôt à marcher dans des allées plus sombres. Je sais pas si sur Angoulême, mais je sais que dans d'autres villes, il y a eu des répressions policières. C'est le cas sur Angoulême ou pas ? Moi, pour ma fréquentation que j'ai du jardin, je la vois très peu, la police. Je la vois très très peu. Mais je sais qu'elle est là, et je sais que sur d'autres lieux, par exemple, mais pas trop ici. Bon, moi, j'ai pas trop constaté ici, mais sur d'autres lieux, il est vrai que on observe un retour de la je ne sais pas si on peut dire répression, du moins d'oppression, de pression en tout cas policière, de présence policière assez forte, un retour de la présence policière assez forte. Mais il y a une autre façon beaucoup plus simple de réprimer, c'est qu'il suffit de nettoyer le lieu physiquement. C'est-à-dire on coupe les haies, on taille les buissons de telle sorte qu'ils ne dissimulent plus rien, on rajoute des lumières, on rajoute des réverbères, donc on allume des lieux sombres. Les endroits effectivement qui sont très très très obscurs, on met une lampe au milieu, et de fait, par la présence du mobilier urbain, on détruit le lieu de rencontre. C'est fini, puis il faut changer de ville ou changer, en tout cas faire beaucoup plus de kilomètres pour retrouver un autre lieu où ça se passe. Mais il n'y a jamais de création spontanée d'un lieu parce qu'il y a un lieu qui disparaît. C'est-à-dire c'est un lieu qui existe et qui va être beaucoup plus fréquenté parce qu'il y en a un autre qui a disparu. Et puis après, aux alentours de ce lieu, il y a d'autres lieux périphériques qui peuvent un petit peu fonctionner. Et de fait, ça se passe comme ça. Mais le mouvement général, il est quand même à la disparition, au nettoyage, à la disparition. Moi-même, j'ai plus tendance à aller dans les saunas maintenant et qu'il faut payer. Donc il se trouve que j'ai un petit peu plus les moyens que j'avais il y a 20 ans. Mais c'est horriblement cher. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai parfaitement conscience que j'ai une activité de riche. À ce moment-là. Donc je sais que je fais pas ça parce que je me sens plus en sécurité ou que sais-je. Je le fais parce que j'ai plus le choix. Parce que comme je trouve plus de mecs dans des endroits où c'est gratos, je me retrouve à aller dans des endroits où c'est payant. Il y a aussi un flicage, non ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un fichage des gens qui fréquentent ce genre de lieu ? Est-ce qu'on leur demande leur pièce d'identité ? Après c'est subjectif, je vous dis, il y a plein de mecs, mais comme par hasard c'est les mecs les plus frileux et les plus peureux qui vont dire j'ai été contrôlé, les flics sont là, les flics c'est chiant, etc. Ils nous emmerdent parce qu'ils ont très peur eux-mêmes et ils ont l'impression que ça se lit sur leur front et que maman va les voir ou que leur femme va être au courant, ce qui peut se comprendre aussi. Hein. Mais bon, légalement, la police, si elle vous contrôle dans un lieu public, elle n'a pas à débarquer chez vous pour aller dire à votre femme qui vous ont trouvé ici. Hein. C'est illégal. Après, je pense que ça, encore une fois, c'est laissé à la libre appréciation des mairies et des préfectures, et ça tient aux personnes. C'est-à-dire, si vous êtes tombé avec un préfet ou une préfète homophobe qui a horreur de ça, elle va fliquer davantage. Et forcément, elle va peut-être essayer de se constituer un petit vigier. Mais de toute façon, c'est illégal. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Ça peut se faire. À partir du moment où une personne décide de le faire, même si ce n'est pas légal, elle garde son fichier sous le coude. Et puis si le régime change, forcément, elle va ressortir le fichier. Moi, je vous avoue que ma peur, elle n'est pas là. Enfin, ma crainte, elle n'est pas là. Ma crainte, elle est sur la désertification du lieu, l'absence de... le fait qu'il n'y a plus personne qui vient et que tout le monde se retrouve, en gros, effectivement, sur Internet. De fait, ça pose autant de problèmes par rapport à la prévention, puisque si on est tout seul face à son écran, si on rejette sur le site de rencontre la seule responsabilité de mettre un pauvre placard à l'entrée en disant « oui, protégez-vous avec une capote », etc., et donc il n'y a pas d'être humain vraiment qui est là pour avoir un dialogue et tout, forcément, on a des gens qui sont pas dans la tradition orale, quoi, qui sont pas dans la... qui vont pas pouvoir avoir le même type de transmission Encore une fois, je crois que l'homosexualité, l'histoire de l'homosexualité, se fait beaucoup par cette transmission de personne à personne, de personne homosexuelle à une autre personne homosexuelle en devenir ou en train de se... Donc en gros, plus âgé vers plus jeune. Je parle juste de transmission orale. Mais il y a un morcellement, à mon avis, de la tradition orale homosexuelle à partir du moment où on est derrière un écran, quoi. Je pense que la personne, elle est quand même toute seule face à elle-même et elle fait sa recherche ou elle fait pas sa recherche, que ce soit sur la prévention ou sur le reste. Elle choisit de faire ou de ne pas faire sa recherche. Et l'idée de la répression ou de l'oppression par rapport à ça, c'est presque pas tant de l'homophobie plus que de la sexophobie, c'est-à-dire le fait de vouloir éradiquer la consommation ou le rapport sexuel dans un espace public. Pourquoi, selon toi ? La sécurité, les enfants, la famille, l'espace public est censé être fréquenté par tous, donc par les familles, donc éventuellement par les enfants, et donc pour protéger les jeunes regards de l'exhibition sexuelle des adultes, même consentants, eh bien, mais après il y a une forme de choses assez logiques, c'est-à-dire s'il était légalement permis d'avoir des rapports sexuels dans l'espace public, au milieu de la rue en plein jour, on pourrait voir des gens en train de baiser. Oui, bon. Mais le truc est, c'est qu'en fait, c'est une excuse, ça, qu'ils disent, parce que les gens qui baisent à 2h du matin à la nuit, enfin, genre, les gosses de 5 ans, ils ne vont pas passer tout seuls comme ça à 2h du matin à la nuit. Donc, on est entièrement d'accord. Quoi la raison réelle, en fait ? Être obligé d'aller dans un bar et payer son verre, tout c'est quand même dépenser déjà de l'argent, et là, c'est même pas une histoire d'homosexualité, c'est-à-dire que même entre hétéros, entre n'importe qui, ça permet, de contrôler un peu plus d'argent en jeu, un peu plus de contrôle. Ça reste, le contrôle des flux, contrôle des masses, contrôle du peuple, et puis à partir du moment où on sait où va l'argent avec les cartes bancaires, on sait où vont les gens. Tout est tombé à l'eau, et quand t'as perdu ton boulot, t'as pas pu supporter, et tu t'es suicidé à ton nom. C'était Histoire publique d'un jardin secret, un documentaire de Julie Gosselin avec la participation active de Fabrice Snow et des extraits retravaillés de Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, Minouche de Tchouk Nouga, d'une conférence de Michel Foucault, de Testo Yankee de Béatrice Pressado, la chanson La Ville de la chanteuse Lassa. Merci au master Créadoc, Angoulême, mai 2012.